Voilà, ben merci d'être là aujourd'hui. Je vais présenter en quelques mots donc, notre conférencier aujourd'hui, Olivier Smulders. Petite présentation très subjective, hein, parce que Olivier Smulders a vraiment une carrière très riche et très diversifiée. Romaniste de formation, il a été tour à tour et sûrement tout ça en même temps, professeur, maître de conférence, scénariste, producteur et surtout réalisateur de courts-métrages, hein, comme Voyage autour de ma chambre ou plus récemment Axolotl. Et de longs métrages comme Nuit Noire en 2005. Il est aussi auteur d'essais littéraires et d'essais cinématographiques sur des sujets très institutionnels, comme par exemple une biographie de Paul Nouget, donc de l'auteur Paul Nouget, mais des sujets aussi beaucoup moins académiques, comme Un éloge de la pornographie, qui est quand même assez intrigant. Donc voilà, si on reçoit Olivier Smulders aujourd'hui, c'est plus l'auteur, puisqu'il va nous présenter Nosferatu à la suite de l'écriture, donc de la publication de ce petit livre, Nosferatu contre Dracula, dans l'excellente collection La Fabrique des Héros aux Impressions Nouvelles. Et je vais m'arrêter là, je vais me laisser présenter donc le sujet. Merci à lui d'être là, merci à vous d'être là et bonne conférence. Bonjour à vous tous. Donc je vais essayer de parcourir assez rapidement, vous imaginez, l'histoire des vampires et plus particulièrement l'histoire de Dracula. Le titre du petit bouquin publié aux Impressions Nouvelles s'appelle Nosferatu contre Dracula. Donc peut-être il faut commencer par ça. Pourquoi cette opposition? Quelle est la différence entre les deux? En fait, Dracula, le personnage que vous connaissez bien, est un personnage qui s'est surtout ancré dans notre mémoire à partir d'un roman de Bram Stoker qui s'intitule Dracula. Il se fait que quasi la première adaptation cinématographique de ce personnage a été faite relativement tôt, puisque en 1922, par un réalisateur qui n'avait pas les droits sur le roman. Alors il a cru pouvoir contourner la chose en changeant le nom du personnage, en l'appelant Nosferatu, en changeant le nom de personnage secondaire, en brouillant un petit peu les cartes au niveau du récit, mais comme de bien entendu, tout le monde a bien compris à l'époque que c'était une adaptation du roman de Bram Stoker, y compris la veuve de Bram Stoker qui a aussitôt dit « Ah, mais attention, vous n'avez pas les droits, il faut détruire toutes les copies ». Il y a eu une décision en justice qui exigeait la destruction de toutes les copies de ce qui est encore aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Heureusement, pour nous, à l'époque déjà, les copies avaient commencé à circuler à travers le monde, et il y a des copies qui ont été préservées, ce qui fait qu'on connaît toujours ce film aujourd'hui. Et le film de Murnau est très célèbre parce que c'est, pourrait dire, le début de toute l'histoire du cinéma fantastique, et pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Le personnage qu'imagine Murnau, c'est le personnage que vous voyez ici à gauche, c'est-à-dire essentiellement une ombre, une silhouette, une incarnation du mal, d'une espèce de diable qui s'approche et des hommes et des femmes pour boire leur sang. Et le personnage va redevenir Dracula au cinéma à travers un certain nombre d'adaptations qui vont arriver dans les années 30, qui sont produites par une grosse maison de production américaine. Et là, on change de personnage, c'est celui de droite, qui est un personnage, lui, bien en chair et en os, qui est une espèce de dandy onctueux qui s'approche avec élégance des milieux mondains pour séduire de jolies jeunes femmes et finalement aussi boire leur sang. Mais il y a une forte opposition entre les deux parce que le personnage de droite est un personnage qui vient du théâtre. Dracula de Bram Stoker avait déjà été adapté au théâtre dans des vaudevilles et dans des pièces à grand spectacle. Et le personnage de gauche, c'est-à-dire le Nosferatu inventé par Murnau, est un personnage beaucoup plus intrinsèquement cinématographique. C'est-à-dire c'est un personnage qui est fait d'ombre et de lumière, qui disparaît, qui réapparaît, qui apparaît parfois sous la forme de petites flamèches. Et même si on le voit effectivement incarné à l'écran aussi par un comédien, par un interprète, c'est un personnage beaucoup plus mystérieux et qui a plutôt ma préférence, même si du côté de Dracula, vous verrez qu'il y a des interprétations hautes en couleur qui méritent aussi qu'on s'y intéresse. Alors, le début de cette histoire de vampire, je commencerai bien avec la dernière scène de Jésus-Christ. Vous me direz pourquoi, quel est le rapport? Ben, premier rapport évident, c'est prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Au cœur même du mystère de la dernière scène et de ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire la présence réelle du corps et du sang du Christ dans le pain et le vin, il y a quelque chose de l'ordre de la magie lié au sang générateur, au sang capable de ramener à la fois une vie nouvelle et peut-être une vie éternelle. Et cette histoire de consommation du sang de l'autre, d'absorption de l'autre par une sorte de cannibalisme symbolique, a quelque chose évidemment à voir avec Dracula et dans les adaptations de Dracula en littérature comme au cinéma, régulièrement on reviendra à choper, glisser sur cette histoire christique. Cela dit, bon, la consommation de la chair humaine, le fait de boire le sang de l'être humain, c'est quelque chose qui apparaît dans toutes les cultures, un peu partout à travers le monde, de tout temps, sous des formes diverses. Il y a des diables, des démons, des succubes, des incubes, toutes sortes de personnages comme ça qui sont entre la vie et la mort et qui veulent consommer le sang des êtres humains. À droite, ben, vous avez une gargouille qui vient de Notre-Dame de Paris, qui est une sorte de démon qui remonte à l'Antiquité et dont la spécialité consiste à aller boire le sang des nourrissons ou des petits-enfants dans leur berceau. À gauche, ben, c'est une gravure qui illustre les premières découvertes faites par les explorateurs de tribus cannibales. Et Christophe Colomb, par exemple, lorsqu'il décrit ces mœurs étranges qu'il découvre, notamment en Guadeloupe, parle même de tribus dans lesquelles il ne s'agit pas seulement, par exemple, de manger son ennemi pour prendre son pouvoir, mais il s'agit, par exemple, de capturer les femmes dans les peuplades ennemies, puis de les élever pour qu'elles aient des enfants, pour pouvoir manger leurs enfants. Donc ça allait très très loin dans la perception différente du rapport entre les êtres humains. Assez vite, des philosophes se sont posés la question de savoir est-ce qu'il fallait rigoureusement établir une frontière entre le bien et le mal, entre ce qui est humain et ce qui est inhumain. Et Montaigne lui-même a un long fragment dans ses essais où il parle du cannibalisme et où il dit « Que savons-nous vraiment de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste ? Et qui sommes-nous pour juger à l'aune de notre morale le comportement des autres peuples ?» Cela dit, l'histoire des vampires, le début de l'histoire des vampires commence surtout au Moyen-Âge. Bon, ici c'est un tableau romantique du peintre belge Antoine Wiertz qui montre quelqu'un qui sort de son cercueil parce qu'il a été enterré prématurément. Il est marqué sur le cercueil, mort du choléra, certifié par les médecins, etc. Au Moyen-Âge, la connaissance que les hommes de science avaient de l'identification de la séparation entre la vie et la mort n'était pas certaine. Et donc, il arrivait relativement régulièrement que des gens se réveillaient dans leur cercueil et essayaient de sortir. Et on a commencé à raconter des histoires qu'en ouvrant les cercueils, on retrouvait des gens qui s'étaient auto-dévorés. C'est-à-dire que, étant enfermés dans leur cercueil, ne pouvant pas sortir, ils commençaient à se manger eux-mêmes, à se manger les mains. Et à côté de faits qui relèvent vraisemblablement de faits réels, sont arrivées très vite des légendes. Ces morts vivants, ces morts qui ne sont pas tout à fait morts, sont capables de sortir de leur cercueil et d'aller persécuter les êtres vivants, peut-être boire leur sang. Et donc, très vite, à la fois les hommes d'Église et puis le début de ce que sont les hommes de science vont s'intéresser à ces phénomènes pour essayer de distinguer comment est-ce qu'il faut les interpréter, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce que ça veut dire. Une grande partie, évidemment, de la tradition religieuse va dire c'est l'incarnation, c'est la marque du diable. Là, vous avez par exemple à gauche donc un essai, début 18e, De masticatione mortuorum in tumulis, donc qui parle de ça, c'est-à-dire des morts qui s'auto-dévorent dans les cercueils. Et il développe toute une théorie. Il n'ose pas trop aller contre la religion, il dit c'est vraisemblablement le diable, mais il a aussi toute une théorie qui dit qu'il y a une espèce de principe vital qui existe dans l'être humain. Une fois que l'être humain est mort, ce principe vital continue à avoir du pouvoir, et notamment d'influencer les êtres vivants. Et il va y avoir une multiplication de témoignages de ce genre. Lui, il parle en détail d'un fait divers qui s'était répandu, enfin dont l'histoire s'était répandue comme partout en Europe, qui est l'histoire d'un Serbe qui, bien que mort et enterré, serait sorti de son cercueil et aurait tué 11 personnes dans un petit village quelque part en Serbie, pour finalement, sous la pression populaire, être sorti de son cercueil et être, c'était une méthode pour s'assurer qu'il était bien mort, avec un pieu, on perçait son cœur et puis on le décapitait, et comme ça, en principe, on devait en être débarrassé. Si on n'était pas tout à fait sûr de la chose, on pouvait encore brûler le corps pour être certain qu'il ne reviendrait plus. Et Voltaire, évidemment, il a, comme vous le savez, c'était un philosophe avec un esprit critique très acéré, et il va notamment, on va lui commanditer, l'Église commandite une analyse de tous ces faits pour savoir ce qu'il faut en penser vraiment. Et alors, parce qu'il y a vraiment, comment dire, ce qu'on appelle la peste vampirique, c'est-à-dire on commence à raconter partout que ça existe, que ça va se reproduire, qu'il faut avoir peur. Alors, je vous lis juste un tout petit extrait. Alors, donc les vampires sont-ils des esprits ou ont-ils un corps? S'ils sont esprits, pourquoi ont-ils besoin de boire du sang? S'ils ont un corps, comment font-ils pour sortir de leur tombe et visiter leurs victimes sans n'être jamais vu de personne? Ça, c'est moi qui introduis. Voilà maintenant le propos de Voilà maintenant le propos de Voltaire. La difficulté était de savoir si c'était l'âme ou le corps du mort qui mangeait. Il fut décidé que c'était l'un et l'autre. Les mets délicats et peu substantiels, comme les meringues, la crème fouettée et les fruits frais, étaient pour l'âme. Le rosbif était pour le corps. Et puis il explique après qu'en fait, les seuls vrais vampires, ce sont les magouilleurs qui exploitent la misère des gens et qui font peser sur eux des taxes disproportionnées, comme quoi il avait effectivement un regard assez acéré sur la société de son époque et aussi sur ce qu'on utilisait comme astuce pour éloigner les gens de leur misère. On arrive alors à une autre étape qui est très importante, qui est un événement historique de l'histoire de la littérature, qui est donc que, début du 19e, il y a une réunion d'écrivains dans une villa en Suisse, et ils vont se provoquer et dire « inventons des histoires un peu effrayantes ». Et on a là notamment le couple Shelley, dont Marie Shelley, qui va poser les bases d'un roman qui deviendra très célèbre, qui est le Frankenstein. Et puis il y a Lord Byron, qui se fait assister d'un secrétaire, qui est aussi son médecin, qui est un jeune homme qui s'appelle Polidori. Et ce Polidori va écrire, quelques années plus tard, une nouvelle qui s'appelle « Le vampire », à partir des notes de Lord Byron. Cette nouvelle va d'ailleurs être publiée une première fois sous le nom de Lord Byron, parce que c'était plus porteur d'un point de vue commercial. Byron va dire « non, c'est pas moi qui ai écrit ça ». C'était effectivement ce Polidori. Alors, que raconte-t-il comme histoire, lui, dans son Un vampire? Eh bien, il présente un jeune homme qui est le héros, Aubrey, qui est un jeune homme très naïf et qui se trouve en contact avec Lord Ruthven, qui est un noble d'âge mûr, séducteur, esthète, pervers, qui ne dédaigne pas effectivement de boire le sang de ses victimes, qui meurt, qui ressuscite, on a l'impression qu'il est éternel, et qui s'attaque à de jeunes vierges innocentes qui sont séduites puis abandonnées. En réalité, c'est un personnage plus proche du Don Juan que d'un vrai personnage fantastique. Les parties strictement fantastiques, buveur de sang, éternel et tout ça, sont peu présentes dans la nouvelle. Par contre, c'est un personnage qu'on commence déjà à connaître en littérature, qui est le séducteur qui va foutre la pagaille dans les familles bourgeoises en provoquant la chute morale de la jeune fille de la famille. Le rapport entre le jeune homme et ce monsieur d'âge mûr va se reproduire dans presque toutes les histoires de vampires qu'on va connaître par la suite, avec en arrière-plan une filière, une thématique homosexuelle. Dans le roman célèbre de Bram Stoker, Dracula, c'est l'histoire la plus connue, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est envoyé en Transylvanie pour vendre au comte Dracula une maison qu'il veut acheter à Londres. Et le rapport entre ce jeune homme et Dracula est parfois ambigu. Par exemple, quand il arrive chez Dracula, assez vite, ce jeune homme est attaqué par trois jeunes et charmantes jeunes femmes qui sont des vampiresses qui vivent avec Dracula. Et les vampiresses s'intéressent évidemment tout de suite à ce sang-frais qui arrive, mais Dracula se met dans une colère folle et les chasse en leur disant « Il n'est pas pour vous, il est pour moi, vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer ». C'est un fil rouge qu'on pourrait tisser à travers toutes les histoires de vampires. Ensuite, il y a un autre texte d'un écrivain irlandais, le Fanu, et qui s'appelle Carmilla. Et c'est un texte, probablement un des textes anciens, une des histoires de vampires anciennes les plus fortes et les plus belles, encore passionnantes à lire aujourd'hui, une histoire qui va présenter un vampire femelle, qui a le nom Carmilla. Je dis femelle parce que dans l'histoire, elle va jouer le rôle presque d'une espèce d'animal. Et elle s'intéresse à une jeune fille. Alors, quels sont les ingrédients de base de cette nouvelle-là? Eh bien, c'est une jeune Anglaise, l'héroïne, c'est pas un jeune homme, c'est une jeune fille cette fois-ci, qui vit avec son père dans un château reculé en Styrie. Il y a une jeune fille qui arrive un peu par hasard, accident de voiture, de calèche, que sais-je. Elle arrive, elle s'installe, elle est d'une beauté stupéfiante, elle est très séduisante, elle devient aussitôt amie avec la jeune fille de la maison, et c'est en réalité une vampire qui s'appelle Carmilla, parfois Millarca, parfois Mircala. Elle renaît sans cesse de ses cendres, et donc par ses jeux, elle apparaît sous ses différentes. Et elle va avoir face à elle un opposant qui va être incarné par un certain baron, qui est un savant, un alchimiste, qui est, entre guillemets, le scientifique de l'époque qui va lutter contre les vampires. Personnage important parce que on va le retrouver évidemment dans toutes les histoires aussi de vampires, pas sous la forme d'un professeur qui s'appelle professeur Van Helsing, qui est un des personnages les plus stables dans la tradition vampirique et qui est le scientifique qui permet de lutter contre les vampires. Alors je vous lis juste un petit extrait de la description de ce personnage. Ah oui, non, une chose avant. C'est... Alors, un des succès, évidemment, du texte Carmilla, c'est le fait que c'est une histoire scandaleuse, puisque ce sont les relations entre deux jeunes filles, sujet déjà délicat à mettre en littérature à l'époque. Je vous lis un tout petit extrait de la description du rapport entre l'héroïne qui raconte son histoire et son invité. Mon étrange et belle compagne me prenait la main et la serrait longtemps avec tendresse, le feu aux joues. Elle fixait sur mon visage un feu languide en respirant si vite que son corsage se soulevait et retombait au rythme de son souffle tumultueux. On eût cru voir se manifester l'ardeur d'un amant. J'en étais fort gêné, car cela me semblait haïssable et pourtant irrésistible. Le texte se construit en grande partie sur l'érotisme de la relation entre ces deux personnages. Et alors, le portrait de l'homme qui va venir sauver l'héroïne, L'homme le plus étrange que je n'eusse jamais vu pénétra dans la chapelle en franchissant la porte par laquelle Carmilla était entrée et sortie. Grand, maigre, voûté, il avait un visage brun et sec, creusé de rides profondes. Il était vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à large bord à forme bizarre. Ses longs cheveux gris tombaient sur ses épaules. Il agitait ses mains décharnées, couvertes de vieux gants noirs, beaucoup trop grands pour elle. Etc. C'est lui qui va, on va dire, mettre à mort Carmilla par un pieu dans le corps, dans le cœur, par sa décapitation, puis par sa crémation. Cet alchimiste de service, cette sorte de Merlin l'enchanteur, qu'on va retrouver sous différentes formes. Alors, Carmilla, bon, c'est un texte qui a eu beaucoup de succès et qui continue à en avoir autour de cette thématique. On arrive alors à Bram Stoker, qui est donc un écrivain anglais, mais d'origine irlandaise. Lui, il va rassembler, au moment où il commence à écrire, il y a déjà tous les ingrédients sont là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler tous ces ingrédients et il va se documenter. Et il se documente notamment auprès d'un monsieur qui est un Hongrois orientaliste, spécialiste de toutes les légendes de cette région du monde. Et c'est cet historien qui va lui donner l'idée d'inspirer la création de son personnage, qui cette fois-ci va s'inscrire dans l'ampleur d'un roman, d'un personnage historique hongrois qui est Vlad Tepes, Vlad III, c'est le troisième du nom. Dracula, ça veut dire le fils du dragon. Pourquoi le dragon? Parce que c'était un ordre, comme un ordre de chevalerie à l'époque. Et c'était un personnage qui, dans l'histoire hongroise, était identifié comme un personnage assez violent, et notamment qui pratiquait le pal, c'est-à-dire qu'il empalait ses ennemis le long des routes à la sortie de son château. Pourquoi c'est l'empaleur? Vlad Tepes, l'empaleur. Cela dit, si le personnage historique a effectivement pratiqué de la sorte pour se débarrasser de ses ennemis, il luttait notamment contre les Turcs, il n'a vraisemblablement pas été beaucoup plus cruel que d'autres personnages historiques de l'époque. Donc c'est un peu monté en épingle à partir du personnage historique. Et aujourd'hui, il a la possibilité de visiter le château de Vlad Tepes, ça se prononce d'ailleurs probablement pas Vlad Tepes, mais qui est probablement un château où il n'est jamais allé de sa vie, et donc c'est une espèce de construction artificielle pour les touristes, sans rapport avec des faits historiques. Puis alors, à côté de ce personnage masculin, vous avez un personnage féminin, qui est Elisabeth Báthory, qui est aussi une femme de la noblesse très célèbre pour avoir vécu dans un château en Hongrie et avoir assouvi ses penchants à la fois sadiques et lesbiens, on dit comme ça, en faisant capturer des jeunes filles dans tous les villages alentours, en les enfermant dans les caves de son château et en les torturant. Un certain nombre de légendes on surenchérit sur ce thème en disant qu'elle prenait des robes, faisait remplir des baignoires avec le sang de ses victimes parce que ça lui donnerait la vie éternelle. Et au moment où on a fait son procès, puisqu'elle a été jugée à l'époque, on lui a attribué un nombre incalculable de meurtres, invérifiables, invérifiés. On pense que là aussi, l'histoire et la légende ont fait bon ménage. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux personnages font les deux pôles, masculin et féminin. Vous avez vu que dans l'histoire précédente, parfois le vampire c'est plutôt un homme, parfois c'est plutôt une femme. L'époque où écrit Bram Stoker est aussi une époque un peu particulière. Il y a eu peu de temps avant la publication du roman « L'étrange cas du docteur Jekyll et Hyde » qui commence à broder sur l'idée de la double personnalité et de la face monstrueuse d'un être humain. C'est aussi l'époque du fait divers de Jack l'Éventreur, cet assassin célèbre qui assassinait et dépeçait des prostituées et qu'on n'a jamais retrouvé, qu'on n'a jamais identifié. À l'époque, Charcot travaille et développe ses théories. Donc c'est un aliéniste sur la maladie, les maladies mentales. Alors, grâce à Bram Stoker, ou à cause de lui, on fige en grande partie le mythe autour de l'idée que Dracula, c'est un mort-vivant, plutôt de sexe masculin, d'origine aristocratique. Et on commence à arrêter quels sont les éléments de sa fiche technique. Il se nourrit de sang, il dort le jour dans un cercueil près de sa terre natale, il est immortel et il transmet le vampirisme à des victimes. Alors cette question de la transmission, entre guillemets, de la maladie à l'époque de Bram Stoker était quelque chose qui touchait très fort les lecteurs parce que c'était lié évidemment aux maladies vénériennes. Et les relations sexuelles pouvaient entraîner la mort par la contamination par les maladies vénériennes. Cette histoire, on pourrait dire, a un peu changé de cap au fil du temps, mais aujourd'hui, et au moment où des films plus tardifs arriveront, notamment les films de la société anglaise La Hammer dans les années 60, 70, 80, petit à petit, la contamination va changer de nom, mais elle restera liée à la problématique de la maladie. Alors, Nyctalope voit la nuit, il est d'une très grande force, il peut ramper à la verticale sur un mur, prendre l'apparence d'un rat, d'une chauve-souris, d'un loup, de feu follet. Et on ne peut le combattre, on peut l'éloigner avec le crucifix, l'hostie et l'ail, mais pour s'en débarrasser définitivement, il faut bien un pieu dans le cœur, la décapitation, la crémation, ce sont des éléments que vous connaissez, ce sont les ingrédients de base de l'histoire de ce genre. Et donc, Bram Stoker va raconter l'histoire d'un jeune homme naïf, qui est envoyé en Transylvanie pour vendre à Dracula une maison à Londres. Et ce Jonathan a une épouse, Mina, qui va être convoitée par Dracula, et il va être aidé dans sa lutte contre Dracula, donc Jonathan, le héros, par un groupe de jeunes gens courageux et par le fameux professeur Van Helsing, qui va être le scientifique qui va toujours... Enfin, scientifique qui procède aussi des sciences occultes et qui va permettre d'éliminer le monstre. Alors donc, on arrive à la première... Enfin, il y a eu une adaptation vraisemblablement du roman de Stoker pour le cinéma, mais qui était perdue. La première grande adaptation, c'est un coup de maître, c'est le Nosferatu de Murnau avec ce personnage très particulier, très, très théâtral, très artificiel, très improbable, mais en même temps très réussi. Interprété par un comédien qui s'appelle Max Schreck. Il y a eu toutes sortes de légendes. Après, on a dit que c'était un vrai vampire. D'autres ont dit c'est pas lui qui joue, c'est Murnau lui-même qui joue le rôle. Enfin, toujours est-il que historiquement, il semble quand même que ce soit ce comédien qui ait interprété le rôle. Voici les deux personnages. Principaux, c'est-à-dire Jonathan, le jeune homme qui est envoyé en Transylvanie, et sa jeune épouse qui va plaire tellement à Dracula. Alors, je vais quitter mon PowerPoint et je vais vous montrer un petit extrait de 5-6 minutes sur la version de Murnau. C'est donc un montage d'extraits. Je crois que j'ai essayé de mettre un petit noir chaque fois qu'on change d'extrait. Et donc, c'est un film de 22 minutes. Alors, on est ici au moment où le héros est déjà parti et il est sur le chemin pour aller au château. Avec un carton qui, sous une autre forme, parce que les cartons changent de forme selon les copies, est devenu célèbre parce que les surréalistes, André Breton en tête, ont adoré le film et citaient souvent ce carton. Une fois qu'il eut franchi les ponts, les fantômes vinrent à sa rencontre, comme le passage, la transition du monde réel vers le monde fantastique. Ici, vous le verrez, Murnau va employer des trucages peu usités à l'époque, c'est-à-dire à la fois des accélérés et aussi des images négatives. Une idée qui est inventée par Murnau et ses collaborateurs, qui est que Jonathan laisse tomber par inadvertance une photo de Mina, son épouse. cette histoire d'un personnage qui est fasciné par une photo, par un tableau, ou par une photo qui tombe d'une certaine manière amoureux de la personne représentée, est une très ancienne tradition en littérature qu'on retrouve notamment chez Edgar Allan Poe, et qu'on retrouve aussi dès le tout début du cinéma dans un des premiers films de Griffith qui raconte la guerre de sécession, qui raconte une histoire d'un jeune militaire qui tombe amoureux d'une jeune fille sur une photo et, bon, et il la retrouve. Il la rencontre plus tard et il forme couple avec elle. Ici, c'est repris à l'intérieur. C'est intéressant parce que ça fait partie des ingrédients qui font que Murnau traite vraiment le personnage de Dracula et son histoire dans un contexte de cinéma, d'image, de représentation. Vous savez que les vampires ne se voient pas dans les miroirs. On apprendra plus tard que si on fait une photo d'un vampire, il n'apparaît pas sur la photographie. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'essence même du vampire qui est lié à l'image. Et la toute fin, très célèbre, qui est aussi une idée inventée par Murnau, qui est une vraie belle idée de cinéma, qui est que le vampire est détruit par la lumière du jour. Et donc Mina, en fait, qui dans le roman de Stoker est une femme très énergique, très intelligente, on pourrait dire que c'est un traitement féministe du personnage à l'époque, elle décide d'éliminer Dracula en s'offrant à lui jusqu'à la lumière du jour. Donc c'est une stratégie qu'elle adopte délibérément pour le perdre. Et effectivement, elle obtient gain de cause. Alors, il y a deux grandes étapes dans les adaptations suivantes de Dracula. Il y a une étape avec les films qui ont été faits par le studio Universal, qui sont des films à gros budget, faits par un studio américain dans les années 30. Et puis pendant la guerre, le sujet va paraître moins urgent à traiter, pour les raisons que vous pouvez comprendre. Et puis, il y a une petite société anglaise qui va reprendre le flambeau dans les années 60, dans un registre tout à fait différent. Donc, comme il laisse peu de temps, je vais juste vous montrer un petit peu de ce que c'était que l'univers du Dracula de l'Universal dans les années 30, et puis un petit peu de ce que c'était que ce personnage dans la société anglaise. Je commence par des extraits d'un film de Todd Browning. J'ai choisi les extraits qui sont les plus cinématographiques, c'est-à-dire qui s'appuient le moins sur le dialogue. Très beau travail de la photographie sur les visages de Dracula. Ici, on est donc tous ces films sont joués par un comédien hongrois qui a interprété le rôle de Dracula sur scène au théâtre à Broadway, qui avait beaucoup de succès, notamment, paraît-il, à cause de son succès, de son accent hongrois quand il parlait en anglais. Les chauves-souris sont toujours un peu étranges dans les films de Dracula. Ça fait partie des mouvements, des effets spéciaux les plus difficiles à réussir, semble-t-il. On ne sait pas pourquoi il y a des tatous, mais il y a des tatous. Et vous voyez, c'est un décor comme aimaient faire les studios américains à cette époque-là, en partie carton-pâte, en partie projection toile peinte. L'idée du gigantisme. I am Dracula. Alors, le troisième bloc, c'est donc les films de la Hammer, qui est la Hammer, qui est une petite société anglaise qui a décidé de récupérer tout le marché des films d'horreur, avec des films sur la momie, sur Frankenstein, sur enfin, tous les personnages les plus horrifiques possibles, et qui va à grand renfort d'hémoglobine, de plaies déshabillées, de hurlements, d'effets spéciaux. Croquignolesque, et ils vont avoir un succès colossal. Les deux ingrédients de base de tous les films de la mer, c'est d'une part les effets spéciaux, des choses les plus horribles possibles, et d'autre part, c'est la dimension érotique. Dans cette série de films, contrairement à la tradition où les femmes essayent de repousser Dracula et sont horrifiées par ce qui se passe, de plus en plus, non seulement elle souhaite que Dracula s'intéresse à elle et boive leur sang, mais en plus, s'il n'est pas assez enthousiaste dans son activité, elle se fâche et elle l'engueule parce qu'il n'est pas assez performant. Énormément de mises à mort de Dracula, ils ne savent plus comment inventer sa mise à mort. Alors voilà une version où c'est la foudre qui s'abat sur lui et qui le détruit. Une fin de Dracula dans laquelle il va se perdre d'une manière très improbable dans des buissons d'épines et il en ressort couronné d'épines, exactement comme le Christ, et finalement percé d'une lance. Dans la crucifixion, vous savez qu'il y a aussi cet ingrédient qui arrive. Dis-moi que tu me pardonnes de l'avoir laissé m'aimer. C'était des films faits avec très peu d'argent, hein, qui étaient faits très très vite, avec les mêmes comédiens, les mêmes décors, c'est des productions spectaculaires si on veut, mais extrêmement cheap. Qui étaient d'ailleurs, c'est le rêve de tout réalisateur, qui étaient vendus sur affiche, c'est-à-dire vous avez certainement déjà vu des affiches spectaculaires des films de vampires de Dracula. Ben, en réalité, les producteurs allaient proposer le film auprès des bailleurs de fonds. Ils montraient l'affiche. Bon, il y avait une femme nue, il y avait un monstre comme ça au-dessus. Hop, il allongeait l'argent et il ne voulait même pas voir le scénario. Alors, il savait qu'à l'arrivée, ça allait être quelque chose dans ce goût-là. Et donc les films étaient faits comme ça. Voilà, je pense qu'on est dans le timing. Je vous remercie pour votre attention. Et la Croix-Rouge m'a demandé de vous solliciter pour donner votre sang dès que vous en avez l'occasion. Donc n'hésitez pas.